Maintenant, je crois que nous allons ouvrir le débat et qui va approfondir certains de ces axes, même s'ils sont très très approfondis d'après moi. Et ce que je ferai, c'est que j'inviterai les deux premiers exposants, c'est-à-dire Mandar et Makram, de nous joindre ici, afin que vous leur posiez des questions. On aura toute l'équipe, si vous voulez, des intervenants de cette matinée au complet, afin de leur poser des questions. Ce que je vous propose, vu qu'on a un peu dépassé le temps, on a une demi-heure de débat au lieu d'une heure, je ne peux pas empiéter aussi sur votre repas, sur votre repos aussi, il faut tenir compte aussi du physique, après le spirituel, parce qu'on aura une autre séance assez importante cet après-midi, je vois à 14h, donc je ne peux pas vraiment maltraiter cette assemblée. Ce que je propose, c'est qu'on prenne à peu près une demi-heure. Et la discussion, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, les débats s'entrecroisent, ils s'entremêlent, on aura l'occasion pour la séance cet après-midi et même la séance de clôture. J'ai vu qu'on aura un débat. Donc, si vous avez des questions de fond à poser ou à des commentaires, ce que je vous propose, c'est de les laisser pour d'autres sessions qu'on aura dans le futur, c'est-à-dire jusqu'à samedi. Pour le moment, peut-être ce que je vous propose, qui serait judicieux pour le timing qu'on a, qui est assez serré, c'est que si vous avez des questions à cœur par rapport aux quatre exposés, excellents exposés qui ont été faits cette matinée, si vous avez des questions bien précises et bien ciblées qui vous taraudent, si vous voulez, l'esprit, de les poser aux quatre exposants qui sont ici, mais directement sans trop de commentaires. Donc, vous limitez pour laisser la chance à d'autres intervenants de se limiter à 1 minute à peu près pour vos questions et même un petit commentaire, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette démarche afin qu'on gagne du temps. Merci. Alors donc, merci beaucoup. Alors je vois déjà, j'ai vu un premier intervenant là-bas, le deuxième, c'est monsieur, et le troisième. On a trois interventions. Peut-être vous donner la parole à monsieur qui est juste. Enfin, peut-être ce que je vous inviterai à vous présenter, même si on vous connaît maintenant, on a eu déjà deux sessions. Peut-être vous présenter rapidement et puis de poser la question par rapport disons, à la problématique qui a été soulevée par nos différents interlocuteurs, nos différents intervenants. Merci beaucoup. Mon nom est Feljman Tourzan, je suis expert en droit international auprès de l'Observatoire Pharos et enseignant-chercheur à la chaire d'études juridiques au Collège de France. Ma question est adressée à mon compatriote, professeur Sorala, que je salue et que je remercie pour son excellent exposé. Vous avez insisté à bon escient sur la fragilité de la dichotomie arabe-perse. Je m'adhère complètement à ce constat, à la seule condition de faire abstraction, je pense, de l'histoire respective des uns et des autres et de s'en tenir à l'époque contemporaine. Cela étant, il me semble peut-être pas très prudent de ne voir que de similitudes et de similarités entre le mouvement vert en Iran et le mouvement dit printemps arabe, précisément pour l'islam. Parce que la référence à l'islam est très présente dans le printemps arabe, ce qui n'est pas le cas en Iran. Dans le mouvement vert, on était témoin du rejet de l'islam au fondement de l'État. Même ces interlocuteurs, ces intellectuels que vous qualifiez intellectuels intermédiaires, des gens comme Kadivar par exemple, qui sont très souvent des sympathisants de l'islam comme pensée spirituelle, ont très vite précisé que l'intégration de l'islam dans l'espace politique était une erreur. Voilà, c'était plutôt une remarque qu'une question. Alors, peut-être, si vous êtes d'accord avec la procédure, on laisse l'intervenant, ben après l'intervenant, on le laisse comme ça, la question est encore fraîche, il répond, mais assez synthétique, d'une manière très synthétique, comme ça on aura l'occasion pour les autres, ceux qui posent les questions, disons, de leur donner la chance d'être dans le timing aussi. Alors, professeur Farhad. La situation historique est différente. En Iran, c'est la première révolution islamique qui, au nom de l'islam qui réussit, et donc imposition d'un système théocratique, alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Mais la référence à l'islam dans le printemps arabe, dans la première période, quasiment inexistant. Il suffit de voir tous les slogans, enfin, il n'y en a pas. Moi, je suis vis là, vraiment, j'étais dedans, je suis allé voir en Tunisie, en Égypte, très peu de référents, si vous voulez, dans les slogans, dans la façon dont on construisait le champ de la contestation où l'islam était présent. Donc, je crois que sur ce plan, il y a eu plutôt une convergence. Ce qui m'intéressait, c'était finalement les mouvements sociaux. Et dans ces mouvements sociaux, on voit bien comment il y a une période d'effervescence où il y a une sorte de, je veux dire, l'ensemble du monde arabe, en fait, qui se met en branle avec des temporalités à peine décalées. Et puis, d'autre part, une fois que cette période d'effervescence se termine, on voit bien l'émergence d'un certain nombre d'oppositions et de nouveaux acteurs qui mettent en cause, en quelque sorte, les autres acteurs. Je ne crois pas vraiment, sincèrement, que le statut de l'islam a été fondamental au sens de ce qu'elle a été, par exemple, dans la révolution islamique en Iran, ou ce qu'elle a été dans les mouvements islamistes, dans les révolutions arabes. Je crois vraiment que sur ce plan, évidemment c'est à débattre, mais je crois que sur ce plan, j'aimerais bien avoir d'ailleurs l'opinion des autres, l'islam, dans la première période de ces printemps arabes où on a remis en cause les autocraties, eh ben, n'a pas joué un rôle fondamental. Et pour des raisons que j'ai tenté d'expliquer, si vous voulez, dans mon exposé de manière extrêmement brève, évidemment. Merci. Merci, Farhad, pour cette réponse. Après, on aura l'occasion, évidemment, de parler directement, c'est-à-dire de tête à tête, one-to-one, en quelque sorte. Je vous en prie pour la deuxième question, qui est juste en face de nous. Oui. Quatre questions pour les quatre intervenants. La première, justement, pour Farhad, mais justement, Jean Béchessard, le mouvement vert, est plutôt, s'inscrit plutôt dans un référentiel islamique. Et beaucoup de ceux qui, en tout cas les représentants, les candidats aux élections iraniennes, ceux qui ont déclenché, que ce soit les. L'ancien Premier ministre Mousavi parle au nom de la révolution islamique. Les figures réformatrices de la, du mouvement vert, je ne parle pas des différents groupes qui peuvent être plus ou moins un référentiel plus ou moins séculier. Les figures du mouvement, Mousavi, Karoubi, s'inscrivent avec un référentiel qui consiste à dire nous devons être fidèles à la révolution maintenant, à l'esprit de la révolution. Et donc ce sont des gens qui sont au cœur, qui ont été au cœur de la révolution et au cœur du régime, qui ont inspiré la révolte. Donc je pense que en Iran, les évolutions qui se feront s'inscriront plutôt dans une logique qui consiste à libéraliser le régime, à l'ouvrir considérablement, plutôt qu'un changement de régime qui serait séculier ou un autochat. Donc, je pense que en Iran, aujourd'hui, et de manière plus générale dans le monde arabe, le référentiel islamique reste central. Après, il y a une pluralité de formulations de ce référentiel. Mais à mon sens, on ne sera pas dans une logique où on aura un langage séculier totalement vidé de son référentiel. La deuxième question pour Mander, sur le début de ton exposé, sur la question de la catégorie de religion et sur le sacré et le profane. À mon sens, le sacré et le profane est une construction postérieure qui est élaborée beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle, notamment avec Durkheim, et qui peut remonter même au début du 19e siècle, mais qui est beaucoup plus une réappropriation d'une opposition, une invention d'une opposition par de nouveaux intellectuels qui se dressent contre l'Église et contre la religion. Mais dans le langage théologique du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, le sacré et le profane n'est pas la principale opposition. La principale tension entre le temporel et le spirituel, entre le mondain et le non-mondain, mais pas entre le sacré et le profane. Et là, je te renvoie au texte de Talal Asad dans Genealogies of Religion, sur cette catégorie de... Et à mon sens, ce qui est peut-être plus parlant, et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que le XVIe siècle est un moment important dans cette généalogie de la catégorie de religion, dans le sens où ce qui est en jeu, c'est de définir chez les Indiens d'Amérique, à travers le débat de Las Casas et d'autres, de définir une nature humaine. Et à travers notamment la discussion, est-ce que les Indiens sont des esclaves au sens d'Aristote, est-ce que ce sont des humains? Mais l'enjeu, c'était quoi? C'était, si ce sont des humains, ils sont potentiellement christianisables. Donc, la catégorie de religion, elle commence à émerger dans un rapport de force et de colonisation et de christianisation possible. Et l'enjeu de la réponse de Las Casas, souvent présentée aujourd'hui comme une sorte de d'humanitaire avant les temps modernes, en réalité, n'était peut-être pas contre l'usage de la force, mais tout son discours consistait à dire nous devons convaincre les Indiens de la vérité chrétienne. Et tout l'enjeu le pouvoir qui s'est joué à partir du XVIe siècle, précisément, était de dire qui de l'État civil ou de l'Église a le pouvoir de définir la nature de l'homme. Le débat qu'on a à cette époque au niveau des scolastiques à l'école de Salamanque, mais aussi plus tard, au XVIIIe siècle, quand tu évoques Lafito est un jésuite. Et tout son discours consiste à montrer que la religion, qui est une religion naturelle, qui est une sorte de religion universelle, pour contrer l'athéisme émergent du XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la projection sur le présent avec la catégorie du paganisme consiste à dire que le paganisme d'aujourd'hui, des Indiens, représente le paganisme du passé de la chrétienté. Donc il y a un télescopage temporel dans cette catégorie de religion qui est utilisée. Et pour terminer sur cette question-là, il y a bien sûr l'ouvrage de Campbell Smith qui, très tôt en 1954, montre que cette catégorie de religion émerge à partir du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, dans ce rapport de conflictualité avec l'autre et dans un discours d'accusation avec l'autre. Parce qu'à part même dans le discours de la chrétienté interne, la catégorie de religion est inexistante. C'est avant tout la catégorie de foi qui est utilisée, ou de chrétienté. Mais la religion en tant que catégorie générale, la religion ou les religions, n'existent pas. Mais on parle de religion chrétienne, ce qui est très différent. Si vous me permettez, la troisième, donc vous aurez... C'est très intéressant, ouais. Effectivement, comme on est limité par le temps, troisième, quatrième intervenant, puis on les laisse. D'accord, oui. Troisième question pour Makram. À un moment donné, tu parles dans ton exposé de Daouledinia, que les frères musulmans... Mais personne aujourd'hui, dans le mouvement islamique, personne ne réclame de Daouledinia. Mais c'est quoi, est-ce que tu as... je ne sais pas si tu as entendu ça, ou vu ça, ou lu ça, mais cette notion de... C'est-à-dire, Daoulé islamia qui circule, mais la notion de Daouledinia n'existe pas dans la réponse, dans les projets qui sont formulés dans le mouvement islamique depuis sa naissance. Je veux dire, depuis le... Et par rapport à cette question de la théorie de la sécularisation, telle qu'elle émerge en Occident, est-ce que précisément, est-ce qu'il ne faut pas prendre des précautions, être prudent dans la manière d'utiliser ces théories de la sécularisation, le fait de dire on a une sécularisation qui relève du transfert et puis on a une sécularisation qui relève de la rupture, est-ce qu'il ne faut pas être prudent dans la manière d'utiliser ce concept de sécularisation qui est issu de la théologie chrétienne et particulièrement de la théologie protestante et de la philosophie protestante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'école allemande est en force dans la théorisation de la sécularisation. On va pas trouver de grands théoriciens de la sécularisation dans l'école française, par exemple, ou dans l'école britannique. c'est avant tout chez les Allemands. Les Américains maintenant, il y a pas mal. Blumenberg, Lovett, Hegel, Weber, Schmitt. Schmitt est catholique. Hein. Ouais. Il est catholique, mais il est allemand. Il s'inscrit dans la tradition germanique. Mais le concept de sécularisation s'inscrit dans le, parce que les différents. Peut-être la quatrième question, d'accord, effectivement, parce qu'on est limité, il nous reste 10 minutes. La quatrième question, pour Reda, et je les laisse répondre un par un. Voilà. La quatrième question sur la question de quand tu présentes les différents représentants du mouvement. Théoricien du mouvement islamique. Tu dis que ça se limite à Qutb, Benna. Tu sais bien que c'est plus complexe que ça. Si tu prends entre Raisouni au Maroc et sa réflexion sur le Fouton de Marcassédé, la réflexion de la Soulavé, Soudan, qui accompagnent le mouvement islamique dans ces pays et dans lesquels on a une réflexion qui est intéressante. Quelle est la question sur, pardon? La question, oui. On est en train de débattre. Ouais. La question, c'est de savoir. La question, c'est est-ce que dans quelle mesure tu tiens en compte de ces éléments, ou plutôt que de faire une généralisation et une simplification par rapport à cette théorie, mais en réalité, que la pensée des mouvements islamiques est beaucoup plus riche que le fait de dire elle se limite à la conception néo-orientaliste de la pensée, de la manière dont la pensée islamique est présentée, ou un premier, la pensée iranienne. D'accord, oui. Excellent. Bon, mais il y a les questions, je crois qu'elles sont très claires. Il y a les quatre intervenants. Peut-être on va rester. Il y aura encore une question tout à l'heure et une de professeur Boko. Alors, ce que je dirais, on va répondre assez synthétiquement. Donc, Farhad, vous avez la première question sur le référentiel islamique, si Monsieur je ne me trompe pas. Est-ce qu'il ne serait pas bon que les gens posent des questions? Voilà. Ah oui, peut-être, vous avez raison. Ah oui, alors donc, on passe à la troisième, puis du professeur Boko. Vous allez... Pour ne pas beaucoup parler. Allez, ouais. J'avais au départ quatre questions comme mon voisin, mais comme il a grillé toutes les cartouches, je vais en poser que deux, que les autres intervenants me pardonnent, qui se dirigeront vers donc en direction de monsieur professeur Kilani, et puis si ma caméra baisse. Alors, monsieur Kilani, évidemment, en tant qu'anthropologue, j'ai fait mon miel de votre anthropologie critique de la religion, de la conception, de la représentation de la religion comme superstructure s'imposant nécessairement dans tous les aspects de la vie d'un individu, de ses pensées, de ses comportements, etc. Et de ce point de vue-là, vous avez fait un parallèle sur lequel je voudrais que vous arrêtiez. Vous avez dit que cette conception-là, elle n'était pas seulement celle des orientalistes, mais elle était aussi partagée. Et alors par qui ça n'est pas suffisamment clair, semble-t-il, en Orient, mais est-ce que c'est par les élites lettrées, etc. Et selon quel processus et pourquoi, justement, il y a convergence de cette représentation-là, hein, de la religion comme superstructure devant s'imposer à chacun, d'un côté comme de l'autre. On va employer des catégories très très rapides, parce que je suis obligé de faire très vite. Maintenant, donc, une question au professeur Makamaves. Bon, voilà, pour en quelque sorte faire un lien avec les considérations contemporaines, il se trouve que actuellement, ce patrimoine, on va dire, séculier de l'islam originel que vous avez mis en valeur, ou en tout cas cette possibilité de séparation, bon, a toujours du mal à rentrer dans les esprits. Et j'en veux pour preuve justement trois différents termes en arabe avec lesquels on désigne la sécularisation ou la laïcité. Au départ, c'était l'ilmaniya, mais qui avait une connotation plutôt péjorative. Et puis là, des penseurs contemporains du monde arabe, particulièrement du Maghreb, que je connais un petit peu plus, commencent à utiliser la notion de daoula madaniya, justement pour contourner cet aspect péjoratif de l'ilmaniya. Et en revanche, il y a un certain nombre d'acteurs qui désignent la notion de laïcité par laïkia, une transposition du terme français en arabe, pour précisément montrer que cette tradition est extrinsèque, extérieure à la tradition musulmane classique. Voilà. Comment vous percevez ces différentes dynamiques dans le monde contemporain ? Il semblerait, malgré votre démonstration est évidente, que malgré cette démonstration-là, que dans le patrimoine islamique, il y a cette possibilité de séparation-là, bon, ça a beaucoup de mal à rentrer dans l'esprit, bon, particulièrement des mouvements politiques. Merci pour la question. Maintenant, il nous reste deux questions, une du professeur Boko et une de notre ami Mahmoud Ould Mohamedou. Et on clôt, si vous voulez, le cycle des questions, on donnera la possibilité aux intervenants de répondre. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui veut. Ah oui, peut-être votre question. Docteur Hanafi. Docteur Hanafi, puis ensuite on clôt. Sinon, on remet ça pour l'après-midi, si vous permettez. Voilà, alors donc, Ricardo. Merci pour ces belles présentations de la matinée. J'avais deux questions qui, par certains aspects, se rejoignent. La première, à Mondeleur. À un moment donné, dans l'argumentation du papier, il disait, mais comment libérer la religion du politique ? Enfin, comme, non pas ta question, tout simplement, mais dans le débat sur la sécularisation. Question à poser, est-ce que le soufisme ne représenterait pas une forme de libération du religieux par rapport au politique ? Deuxième question, Makram, Abbès, à un moment donné, tu exprimais comment au Moyen-Âge, des systèmes politiques arabo-musulmans, en prenant en particulier l'exemple de l'Espagne, étaient caractérisés par une forme de multiconfessionnalisme, pluriethnicité, etc. Et je me disais, mais est-ce que la compréhension de cela, et pour la transposer au XXe siècle, ne faudrait-il pas plutôt interpréter cette possibilité de multiconfessionnalisme et multiethnicité dans le cadre d'une logique d'empire, alors que les logiques d'État, dont une grande partie du Moyen-Orient arabe a été sinon victime, ou en tout cas a subi une imposition d'une certaine technologie politique, ne permettra pas de passer le contre-coup de celui-là. Autrement dit, et pour rejoindre la première question à Mondeleur, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'Empire ottoman, qui est le dernier qui admet une multiconfessionnalité, pluriethnisme, etc., s'effondre, la réaction de sa tête, à savoir les Turcs, est celui de proposer un État qui se veut laïque, et dans ses frontières ethniques, supposées ethniques, parce qu'on ne parle pas du problème kurde à ce moment-là. Et deux, justement, qu'est-ce qui va se passer en Turquie, phénomène relativement sous-étudié, qui est le renforcement à tous les niveaux de la société du soufisme, qui donc, je le reposerai par rapport à la question que j'ai posée par ailleurs à Mondeleur. Et merci à Farhad de nous avoir si élégamment proposé cette réflexion sur la dignité, sur les intellectuels intermédiaires. Par rapport à l'exemple que tu donnais sur le harcèlement sexuel des filles à la place Tahrir, est très important et il continue aujourd'hui, parce qu'on a des étudiants à l'Institut qui sont impliqués dans ça, des étudiants égyptiennes. Des nouveaux groupes qui se sont formés de garçons et des filles qui, à l'extérieur de la place Tahrir, travaillent à la protection justement contre le harcèlement sexuel. Et ça, c'est très intéressant. Il y a une mémoire qui est en train d'être faite sur ça. Merci. Merci, Ricardo. Maintenant, peut-être, si vous permettez, on a les deux questions, puis une troisième. Si vous permettez, pour Mahmoud, si vous permettez, est-ce qu'on peut passer la question au professeur Hanafi qui n'a pas parlé encore ? Et puis ensuite, on passe à vous. Professeur, vous allez. Venant de l'Orient arabe et vivant les révolutions du peuple Après avoir écouté les deux premiers papiers, cette analyse purement théorique de l'ethnographie, la question est la suivante. Dans quelle mesure est-il utile? Or, faut-il trouver une autre méthodologie? Vivons une expérience d'oppression, de corruption, afin que le peuple puisse avoir un peu d'utilité de nos amis intellectuels. Et parlant de l'ethnographie dans le monde occidental, puis analysons la littérature politique dans la tradition islamique, est-ce que nous vivons deux traditions académiques? Or, y a-t-il une seule analyse académique? Dans quelle mesure est-il possible d'accepter, surtout pour des musulmans intellectuels, une lecture séculariste de la tradition islamique? Est-ce qu'on va aider à sauter cette distance, cette polarisation entre la tradition islamique et la tradition séculaire qui lutte contre l'un et l'autre? Et finalement, écoutant Sirida Ben Kiran comme si j'écoute moi-même, mais la tradition de l'islam politique est plus ancien que ça. Al-Hallaj, de la tradition mystique, il a participé et il a dirigé la révolution des Zinj. Même les fuqaha, Hanbal, Ibn Taymiyyah, avant Saïd Qutb, et avant Saïd Qutb aussi, il y a Abdurrahman al-Sharqawi qui a écrit Al-Hussein Shahida, Al-Hussein Sa'iran, il a écrit Al-Arab, tout ça pour donner des concepts révolutionnaires au peuple. Et même notre tradition théologique ancienne, les chiisme, les kharijisme, les zaïdisme, tout ça c'est la tradition révolutionnaire. Peut-être décrivons la théologie de la libération comme le culte dans le marché. C'est un peu sévère. Jusqu'à maintenant, nos institutions religieuses n'acceptent pas la théologie de la libération et ils l'accusent comme athée. Bien que la tradition de la théologie de la libération était très utile en Amérique latine et très utile pour la Palestine pour favoriser la terre comme les Juifs ont favorisé l'Inde. Theology of Land, il est partout dans le département de philosophie et de théologie dans les universités européennes. Et finalement, peut-être si on arrive à succéder à transformer notre théologie de l'essence et des attributs et des noms à une théologie de la libération, peut-être une autre génération peut transformer la théologie de la libération à la libération de la théologie. Merci, merci pour le Oustad Hanafi, merci pour ces questions. Juste maintenant, parce que j'ai le professeur donc Mahmoud nous a eu l'amabilité de passer la parole, disons de laisser passer avant. Je vous laisse peut-être poser la question, et puis je vois qu'il y a une autre main qui s'est levée de professeur Chahrour. Ce que je ferai, parce que je voudrais voir, on est à 33. On aura et une question de moins, donc on aura plus de temps. Voilà, puis ensuite je ferai la question de professeur Mahmoud. Ensuite, vous tenez à la poser, donc. OK. Et puis, on pose la question de professeur Chahrour et on arrête là. Pour les questions, si vous permettez. Mahmoud, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vais être très bref. D'abord, merci à nos intervenants pour leur riche exposition. Bon, je rebondis un petit peu sur les commentaires de Farhad sur deux points pour suivre notre discussion. Je crois que tu as entièrement raison de pointer du doigt l'inspiration qui a constitué le mouvement vert, même s'il n'est pas assez reconnu, je crois, pour le mouvement arabe, et un peu plus tôt, quelques mouvements citoyens libanais à la fin des années 2000. Comme dans toute chose, ces mouvements se télescopent, s'observent, et je crois qu'il y a beaucoup d'inspiration, et peut-être une contre-inspiration en retour, parce que le récit à Téhéran ne se termine pas encore, je pense. Sur la question de l'orientalisme et la position dénonciatrice de Saïd, oui, je suis d'accord, je crois qu'il est, mais s'il est, j'ai envie de dire, c'est à bon escient. C'est-à-dire que jusqu'à 77, jusqu'à l'orientalisme, le poids du récit est tel qu'on a besoin d'un travail original comme le sien qui fonde les études postcoloniales fondamentalement. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il nous présente la structure d'un discours, comme on en a parlé hier, de Byron à Churchill, de Chateaubriand à la jeunesse française. À partir de là, il ne contrôle plus le processus. Il s'en défend lui-même dans la préface de 95. Je parle d'un discours, d'une partie de l'Occident. Alors aujourd'hui, j'en arrive à une question. On a une recodification de ce néo-orientalisme, comme on en a parlé hier, qui s'applique aussi aux islamistes. Quelqu'un l'a pointé du doigt. Ma question, elle est plus à Reda. Je crois qu'il faut être plus exigeant avec les soulèvements. Je partage tout à fait ton enthousiasme. Je crois que c'est un événement historique. Mais je reprends la phrase de Mandal tout à l'heure. Je crois que c'était lui, le contenu, la forme, le succès des révolutions. Mais est-ce que ces nouveaux mouvements se sont complètement libérés du référent occidental, fondamentalement ? Ont-ils, dans cette refondation, cette restructuration, ce nouveau départ, durant les transitions, je ne parle pas du moment de la révolution, qui est un succès par rapport au local, à l'autoritarisme, mais dans les transitions naissantes, a-t-on vu pour l'instant une forme de pensée originale, comme on en appelait hier, question ouverte, et j'aimerais avoir ton sentiment, et celui, bien entendu, de Mondo. Merci. Merci Mahmoud. Maintenant, la question pour vous, et puis pour le professeur Chahrour, si vous permettez. Merci aux quatre intervenants, Benoît Chalon. Je remercie les quatre intervenants. J'avais deux questions que j'en posais une seule à Maklam. À propos du processus de sécularisation, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est très intéressant de faire cet aller-retour comme ça. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui manquait dans cette réflexion sur la sécularisation, qui est la question de l'émergence d'un sens d'individualisme et de capacité réflexive à travers ces processus de mondialisation, de transfert et d'autonomisation. Et est-ce que tu vois aussi dans les exemples historiques dont tu as parlé, dans le corpus de Haddad, tout ça, cette capacité de mondialisation, parce qu'historiquement, je veux dire, les débats franciscains sur la propriété, certains l'interprètent déjà comme une proto-modernité, justement, avec cette capacité d'individu. Je serais curieux de t'entendre sur ces questions. Voilà, merci maintenant pour le professeur Chahrour, et puis on clôt ici le cycle des questions, si vous permettez. الثورة الجزائرية حصلتنا انطباع أن العرب تثور على المحتل الخارجي ولا تثور على المحتل الداخلي. الجزائر دفعت مليون قتيل لتخرج فرنسا، وبعد سنتين جاءها بومبديان ديكتاتور ونفس الجيل وقبل فيه ولا ما فعل شيء. حتى أنا كتبت سنة 2007 أن العرب ممتنعين عن الثورة على المحتل الداخلي، لا يتمون، إلى أن جاء الربيع العربي وتبين أنني كنت على خطأ والحمد لله. ولكن في بداية الربيع، السؤال الآن، في بداية الربيع العربي كان واضحا أن لدى المنتفضين الحرية أهم من الحجاب، فهل هذا صحيح؟ هذا لله بعد مرور سنتين، هل ما زال الحرية أهم من الحجاب؟ Voilà. Merci pour le professeur Charour. Je crois que j'ai un volontaire, un spécialiste de la traduction qui est Reda, qui va nous donner. Pas du tout, mais je traduis la question. Non, simplement, le professeur Charour a évoqué le cas de la révolution algérienne en disant que la révolution était un phénomène révolutionnaire contre l'occupant extérieur, mais que ce n'était pas une révolution proprement endogène, une transformation de l'être. De l'individu algérien, puisque très rapidement après l'indépendance formelle politique, il y a eu un coup d'État et Boumediene est venu et finalement rien n'a changé. Et la question qu'il pose, c'est par rapport aux révolutions sociales du monde de 2011, il s'est avéré que la liberté était plus importante comme revendication que le hijab, et il pose la question, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que la liberté, aujourd'hui, dans la scène sociale et politique des différents pays arabes, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que la liberté est toujours plus forte que le hijab, si j'ai bien compris? Voilà. Merci Reda pour cette excellente traduction, je dirais même interprétation rapide. Alors là, je poserai, si vous permettez, là, pour qu'on avance dans le débat et qu'on synthétise, si vous voulez, tout ce qui a été dit, et aussi répondre aux préoccupations, aux questions de la salle, si vous voulez, de ceux qui nous écoutent. Je commencerai peut-être, si vous permettez, par ordre, de place, par le professeur Farhat, et ensuite M. Kilani, ensuite toi, Reda. Et on finira par toi. Synthétiser, si vous voulez, les questions qui vous ont été posées. Hein, et comme ça, on avancera dans le débat, on terminera dans les temps, même si on est un peu en retard. Merci. Farhad. Vous commencez par l'extrême droite. Si vous permettez. La droite traditionnelle. Voilà. Alors voilà, l'extrême droite, comme on dit, entre guillemets, je ne dirai pas jusque-là, mais. Bon. Farhad. Mais bon, il est impossible d'apporter une réponse, si vous voulez, exhaustive à ces questions en 2 minutes, 1 minute. Donc, moi, je souhaiterais très bref. Pour ce qui est du mouvement vert, c'est pas parce que les deux dirigeants étaient issus de la République islamique que c'était un mouvement religieux. Je veux dire, moi, j'ai assisté pendant 2 mois à ce mouvement social. Il faut penser en termes de mouvements sociaux, en termes sociologue et anthropologue. Dans le mouvement, il n'y a eu pas un seul slogan religieux. Pas un seul. Le seul slogan religieux, et j'étais vraiment dans toutes les manifestations dans la grande ville de Téhéran, c'était Hossein, Hossein, Mir Hossein. C'est-à-dire, Mir Hossein, c'est le prénom de Moussavi. Alors, il voulait dire par là que le véritable Hossein, c'est Mir Hossein et Moussavi. Et donc, c'était le seul. Tous les slogans étaient des slogans d'ordre vraiment social. Il n'y avait pas. Donc, il faut quand même faire attention. C'est pas parce que les deux étaient de l'intérieur. Par contre, la conviction qu'ils avaient de faire des réformes au sein du régime a fait que le mouvement a échoué. Précisément, le modèle arabe s'est émancipé de cette espèce de carcan. Et dans la façon dont il s'est construit, si vous voulez, a abouti au renversement de ces autocraties. Encore une fois, il faudrait vraiment avoir du temps pour en débattre, mais je peux vous assurer que on peut dire que ces mouvements, enfin le mouvement vert, était plutôt d'inspiration des réformistes, des intellectuels réformistes. C'était même pas ça. C'était au-delà. C'était un pas pratique au-delà, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler la problématique intellectuelle telle que les réformistes l'avaient formulée dans le sens de la remise en cause de la théocratie islamique. Et puis, j'ai essayé de montrer que entre l'affirmation radicale, frontale de l'islam et l'affirmation frontale de la laïcité, il y a précisément un espace de jeu ambivalent. Et ces mouvements se déroulent dans cette ambivalence, dans la latéralité, dans les formes d'action pragmatique, d'affirmation d'une solution qui soit, en un sens, une solution d'affirmation de la dignité, tout en ne niant pas l'islamité. Donc c'est ça qu'il faut saisir. Il y a une finesse dans cette façon de construire la problématique qui fait que tout ce qui était frontal devient en quelque sorte ambivalent. Et cette ambiguïsation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas signe de faiblesse, c'est précisément signe de mise en branle d'une pratique qui fait qu'on peut avoir surmonté ces espèces de contradictions qui, sur le plan discursif, paraissent, du moins dans les éléments les plus radicaux de tendance, insurmontables. Voilà. Merci Farhad pour ces précisions et les réponses à vos questions. Maintenant, je passe la parole à Mander pour qu'il réponde et synthétise un peu. Oui, en fait, je vais essayer d'aller rapidement, mais répondre à ces questions. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions parce que ça ouvre des perspectives incroyables. Alors, peut-être la première question à M. Belal. Moi, je pense que le XVIe siècle a été véritablement le moment de modernité pour l'Occident. Il pourrait aller très vite. C'est le moment où le christianisme se décentre, c'est-à-dire qu'il se regarde en dehors de lui-même. C'est le décentrement anthropologique, finalement. Et c'est à partir de là qu'on a véritablement mis en place cette articulation en opposition sacrée-profane, et pour aller plus vite, cette opposition religieux-religion. Le religieux serait dans la nature humaine, il serait propre même aux sauvages. Par contre, la religion, c'est une institution, et la religion, par excellence, c'est le christianisme. Donc on a une cristallisation, déjà au XVIe siècle, de cette opposition sacrée-profane. Et le laboratoire a été absolument l'Amérique, comme pour le reste d'ailleurs, le laboratoire de cette nouvelle vision fondée sur le sacré-profane. Pour aller très vite, je dirais que la théorie scientifique, la phyto déjà, mais enfin le XIXe, n'a fait, au fond, c'est le grand paradoxe, il n'a fait que christianiser, enfin, ou que confirmer cette christianisation du monde, c'est-à-dire cette vision du monde fondée sur des présupposés chrétiens, l'universalité de la religion, partout, même les sauvages, à la limite l'animisme, enfin, c'est une mauvaise religion, mais c'est une religion, c'est-à-dire il y a une obligation, finalement, à avoir de la religion partout, y compris chez ces sauvages qu'on massacrait parce qu'ils ne connaissaient pas la bonne religion. Et finalement, avec Durkheim et la modernité, le 19e, il n'a fait que renforcer cette opposition sacrée-profane parce que, justement, on voulait inverser les termes. C'est-à-dire, en fait, on voulait que le profane prenne le dessus sur le sacré. Et dans ce sens-là, on est resté dans une problématique chrétienne. Et je pense qu'à partir de là, tout l'universel, tous les universaux qui ont été développés, la nature humaine, l'universel, le discours à partir duquel l'anthropologie elle-même parle, est christiano-centré, il le reste. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faudrait faire un travail de déconstruction tout en restant dans cette tradition. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la première question. Sinon, la deuxième question qui a été posée, justement par M. Belloc, votre voisin, il me semble, enfin, j'ai été très, très, très vite, très rapide, quand j'ai parlé de l'orientalisme, c'est-à-dire qui relève, au fond, de cette anthropologie qui met en avant une conception englobante, surplombante de la religion, et surtout chez les autres. Mais en fait, cette conception, et on le sait très bien, elle est aussi propre à la tradition musulmane. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une tradition scripturaire, il y a une tradition lettrée, et on sait bien, en fait, qu'il y a une opposition. Cette opposition islam, savant islam populaire, qui a été produite par l'orientalisme, il est aussi partagé par les acteurs sociaux et par les théologiens de l'islam lui-même. Et de nouveau, pour aller vraiment très vite, l'islam savant, finalement, relèverait de cette catégorie englobante de la religion comme contenu. Et je dirais que l'islam populaire, entre guillemets, vraiment, enfin, parce que ça, c'est une réification, ce serait ce que j'ai appelé ce matin plutôt la croyance-action, hein, c'est-à-dire fondée plutôt sur le lien social, la solidarité, la fête, la transgression, mais aussi, bien sûr, la norme sociale. Hein. Donc voilà, en fait, juste pour répondre, mettre en perspective, et de nouveau, pour en finir une fois pour toutes, croire que l'orientalisme, c'est intrinsèquement l'Occident, et puis de l'autre côté, ben, ceux qui subissent ce discours. Non, il y a des échanges, et il y a un partage de vision. Par rapport à cette essentialisation. Alors la troisième question, c'est Ricardo. Ben oui, effectivement, Ricardo, tu as soulevé, enfin, tu as formulé la question à savoir est-ce que le soufisme irait dans ce sens. Je ne suis pas un spécialiste de cela, mais il me semble, oui, a priori, il me semble que le soufisme irait dans cette perspective au fond, de la religion plutôt vécue au niveau de la horizontalité et non pas au niveau de la verticalité. Donc, de nouveau, on est plutôt dans cette religion action qui permet finalement de produire du sens, qui produit une esthétique du lien social, de la solidarité, alors même justement que les islamistes détestent les soufis. Pourquoi ils les détestent? Sinon parce que les salafis remettent en question cette vision dogmatique de la religion et cette vision verticale. Et d'ailleurs, Makram, tout à l'heure, en fait, il a cité le Jahl. Enfin, j'ai trouvé, enfin, je ne la connaissais pas, mais enfin, c'était quand même intéressant de dire, quand il disait, mais en fait, si on ignore, plus on ignore l'ici-bas, plus on ignorera l'invisible. Hein. Et donc, voilà, ça, ce serait plutôt une profession de foi des soufis, finalement, enfin, pour marquer, enfin, peut-être pour rompre avec une vision autoritaire de la religion. Parce que cette vision autoritaire de la religion, nous l'avons dans la tradition musulmane. Enfin, y a, au fond, de ce point de vue-là, elle n'est pas très différente de la tradition chrétienne. Quoi. Enfin, on ne peut pas. Alors, la quatrième. Question qui est vraiment, que je trouve extrêmement intéressante, et d'ailleurs je voulais moi-même me la poser à moi et à Makram, c'est la question, effectivement, de la comparaison. C'est la question à partir de quel lieu nous parlons, et est-ce qu'on peut transporter comme ça des concepts qui sont développés en Occident sur une réalité autre, disons. Et c'est une question absolument fondamentale, d'autant plus que, à l'intérieur même des sciences sociales, y compris en anthropologie, souvent, en fait, on ne fonde pas ou on ne définit pas la comparaison, le comparatisme à partir duquel nous prétendons parler, et surtout l'universel. Ça apparaît comme des évidences, alors que, comme je l'ai montré, en fait, ce ne sont pas des évidences, ce sont des constructions culturelles, mais qu'on met entre parenthèses. Donc, ce qui fait que souvent, la comparaison apparaît finalement comme une mécanique universelle, comme une force physique neutre, alors qu'elle ne l'est pas. Et je dirais, en fait, que souvent, quand on parle d'autres sociétés ou d'autres religions, le discours des anthropologues, qui est quand même culturellement et historiquement déterminé, alors on prétend faire de la comparaison, on prétend que la comparaison est neutre ou elle est universelle, mais en fait, on n'explicite pas les catégories à partir desquelles on travaille. Alors, mais pourquoi pas? Moi, il me semble que on ne peut pas partir d'un non-lieu, quoi, enfin, d'un non-lieu conceptuel. Hein, donc on part toujours d'un système, d'une pensée ou d'une théorie, mais au moins il faut l'expliciter. Et moi personnellement, je sais bien que quand j'ai été formé en tant qu'anthropologue, j'ai été formé dans une anthropologie qui s'est développée en Occident et qui a été marqué par, comme le disait Foucault, enfin, disons, par les rapports de pouvoir et par le rapport colonial, mais cela ne veut pas dire qu'on devrait s'enfermer dans ce discours qui est marqué au départ par son horizon culturel. Et la force, peut-être, que justement de l'Occident, c'est ce décentrement, c'est donner la possibilité, finalement, de critiquer ses propres catégories. Donc, moi, c'est ce que j'appelle l'universalisme particulier. C'est-à-dire, je prétends faire de la comparaison, je prétends passer de la Papouasie au Valais, au Niger, en Malaisie, etc., à partir, finalement, d'un discours qui se veut comparatiste universel, mais en sachant que c'est un universalisme particulier, c'est-à-dire qu'il relève d'une tradition, qu'il relève d'un contexte, qui ne flotte pas, en fait, qui n'est pas intemporel. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, quoi, effectivement, comment faire parler du monde arabe, du monde musulman, à partir de catégories qui, a priori, n'ont pas été développées dans ce contexte. Donc voilà, en fait, juste des éléments qui me viennent à l'esprit, en fait, et en tout cas, qui méritent débat, bien sûr, parce que là, ça a été juste quelques ébauches, quoi, en fait, de réponses. Je crois que Mondar, merci beaucoup pour ces réponses très claires. Je crois qu'on reviendra aussi sur cette question de la mystique islamique par rapport aux révolutions arabes. Je dirais même, je l'ai développé dans un livre chez Fayard en 2004-2005. C'est vrai que si on analyse toutes les révolutions arabes actuelles et les partis qui sont passés au pouvoir, il n'y a que l'AKP qui est d'obédience mystique de Naqshbandiya. comme vous le savez. Donc les autres, il ne faut pas comparer l'incomparable. Je dirais, peut-être on reviendra une autre fois, on n'a pas le temps malheureusement, mais on le fera dans d'autres séances. Maintenant, peut-être je poserai je m'adresse à mon collègue Reda pour qu'il réponde aux questions qui lui ont été posées. J'ai vu qu'il y en a plusieurs. Je te laisse, ensuite je passerai à mon voisin de gauche. Merci. Oui, je vais répondre rapidement, mais Zidane Miribout est trop modeste pour pas. Mais il est l'auteur d'une hypothèse que j'ai trouvée très profonde et que je n'hésite pas à citer chaque fois que je le peux. Dans son livre La fracture islamique, Zidane Miribout postule que l'apparition de l'intégrisme ou du fondamentalisme religieux correspond à une sorte d'anxiété métaphysique, de crise identitaire, et elle apparaît précisément dans les pays où le soufisme et les structures de confrérie se sont effondrées. Et donc il montre que ceci est arrivé en Algérie et dans d'autres pays, les manifestations de l'intégrisme sont des manifestations d'un vide. Et justement, le cas de la Turquie, même ultra laïque, montre que même si c'était une société extrêmement sécularisée, la dimension mystique est toujours présente en Turquie, ce qui l'a sauvée d'une forme d'intégrisme, ce qui fait aussi le cas très intéressant de l'expérience actuelle. Pour répondre rapidement sur la question des penseurs islamiques, j'ai dû être probablement un peu réductionniste. C'est vrai que plus on zoome sur une réalité, on ne va pas arriver à des élans simplificateurs. Plus c'est riche, plus c'est dense. Évidemment, si on zoome sur la dimension islamique, on va trouver beaucoup de penseurs. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne pense pas que Raisouni soit lu peut-être dans d'autres pays, comme par exemple c'est les 3 ou 4 noms que j'ai cités. Moi, j'ai passé 3 ans et demi, 4 ans au Qatar, avec, disons, les maîtres à penser de l'islam politique actuel, pour ne citer que quelques-uns, Mounir Shafir, théologien de la libération, El-Messiri, l'Égyptien, Abu Yarab El-Marzouki. Bref, j'ai baigné pendant 3 ou 4 ans dans un bain vraiment de références de ce type. C'était très intéressant par ailleurs, mais je dois avouer que sur le plan intellectuel, je me suis beaucoup ennuyé. Et pour moi, j'avais l'impression d'un sorte de feuilleton égyptien. Disons, il y avait une sorte de monotonie. Et donc, les penseurs, ce que je voulais dire, le déficit de pensée, c'est le déficit de penser le monde. Pas simplement le projet islamiste, mais une vision du monde. Qu'est-ce qu'on projette? Comment on pense l'autre? Comment on se pense soi-même? Comment on pense le rapport aux sciences, le rapport aux philosophies majeures de notre temps? Je ne pense pas que parmi les cas qui sont mentionnés, qu'un Hassan Tourabi pense le monde, ou reflète une vision du monde comme d'éminents philosophes l'ont fait. Par contre, nous avons aussi, l'islamisme, c'est la force qui conduit à la sécularisation. Donc je pense que cette vague doit survenir, ça a été évoqué hier, et c'est de là qu'il va avoir nous réfléchissons à partir de là. Donc Hassan Hanafi a aussi travaillé sur cette question, il a essayé de proposer l'idée d'une gauche islamique. Il y a eu des travaux en ce sens. Donc demain on va en faire un montage vidéo de Jamel Benna qui aussi sort, que l'on veuille ou non, de la matrice des frères musulmans et qui va très loin dans ses travaux. Mohamed Shahroul, ici présent, a fait une contribution extrêmement importante, presque c'est un croyant musulman mais qui a une démarche radicalement anticléricale. Mais je n'ai pas l'impression que, par exemple, quelqu'un comme Al-Qardawi, qui joue un rôle très important à la fois médiatiquement, mais aussi au niveau de théologie, quand il y a des grands rassemblements qui président le conseil des ulémas européens, je ne pense pas que ce soit une pensée très très élaborée et très à la mesure de notre temps. Par rapport justement, rebondir à la question de Mahmoud sur le fait qu'il n'y ait pas un projet de société, c'est justement... c'est une panne, on parlait d'une panne arabe des intellectuels, ce n'est pas quelque chose de spécifique aux révolutions arabes. Je pense que cette panne de l'intelligentsia est mondiale. La jeunesse partout s'est réveillée. C'est pour ça que je vois ça. C'est comme, si vous voulez, une naissance, mais on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on ne sait pas exactement les traits. Quelque chose est en train de naître et les intellectuels n'ont pas accompagné ce mouvement, et les jeunes qui se révoltent, qui sont une nouvelle forme d'intellectuels, des sortes de nomades et des monades du monde arabo-musulman, mais aussi en Europe, on le voit aussi, il n'y a pas... ils jugent les intellectuels comme faisant partie de l'establishment. Ils les rejettent. Et donc, peut-être que c'est la, ce n'est plus l'idée, parce qu'il y a un rôle de la technologie qui joue un rôle, on parlait de processus horizontal, peut-être que maintenant la pensée n'est plus celle d'individus, fût-ce de grands philosophes, de grands penseurs, mais peut-être que c'est une pensée commune, une sorte d'intelligence collective, cognitive, collective, connective, une sorte de pensée communisante au sens le plus littéral du terme. Peut-être qu'on est quelque chose qui est nouveau et qui correspond à une transformation aussi, le passage de l'écrit à l'écran, de l'imprimerie à la révolution informatique. Et enfin, la question de la liberté, est-ce que la liberté est-elle toujours plus forte que le hijab ? Je voudrais quand même être présente sur la question de l'exemple du hijab. Il ne faut pas qu'on se trompe, il faut parler quand même avec respect. Je veux dire, la liberté, c'est aussi de pouvoir choisir comment s'habiller, comment s'affirmer. Mais je comprends à travers l'idée de la métaphore du hijab, comme une sorte d'imposition. Moi, je suis pas du tout pour l'interdiction, parce que malheureusement, en France, on parle de liberté, mais au nom de la liberté, on interdit à des gens qui portent le hijab l'accès à certains lieux de l'espace public. Et donc, il faut se méfier, je veux dire, entre deux extrêmes, entre la liberté et disons, un certain dogmatisme, il faut éviter. Mais j'ai l'impression que justement la liberté, la question est toujours là. Je pense qu'il faut se battre pour cette liberté. Je pense que c'est ce qui se passe en Tunisie, c'est ce qui se passe en Égypte. Il y a des résistants. C'est ce qui se passe même en Turquie. La Turquie qui va très bien sur le plan mondial, 16e économique de puissance économique, l'AKP qui a considérablement augmenté le niveau social, qui a fait un grand travail, mais l'AKP aussi, vision conservatrice, un certain autoritarisme qui est aujourd'hui refusé. Donc la question de la liberté, elle est toujours d'actualité, et je ne vois pas pourquoi il faudrait renoncer à un islam dans l'islam de la sortie. Il faudrait renoncer à la liberté. Il faut la liberté. Il reste à produire une philosophie de la liberté en islam, et la liberté, c'est aussi une valeur qui je pense peut l'emporter. Voilà. Merci Reda pour ces réponses très, très claires. Je crois qu'on a une demi-phrase seulement. Reda, il y a aussi dans les islamistes radicaux, il y a quand même des penseurs, et là je crois qu'il y a, je veux dire, Mardisi, Tartusi, Abou Moussa Souri, enfin il y a quand même une dizaine de penseurs qui ont fait une production intellectuelle, si tu veux, qui est plus conséquente. Oui, merci Fahad. Merci, je vois que le débat est passionnant, c'est pour ça qu'on a outrepassé, on a oublié notre fin, le physique a été oublié. Si vous voulez, on a profité du spirituel. Maintenant, je passe la parole au dernier répondant, je dirais, ou bien celui qui répond en anglais, on dit. Si vous voulez, celui qui répond aux questions et qui synthétise, disons, le débat total qu'on a eu par rapport aux questions, évidemment, qui ont été posées, hein, les trois questions que vous avez eues. Je vous laisse, et ensuite, on clôt le débat, si vous permettez. Merci, monsieur Makram. Donc, j'ai eu quatre questions, en fait, si vous permettez. Je commencerai d'abord par la question de M. Bedel. Donc il y avait deux aspects. D'abord, le fait que j'avais mentionné dans l'introduction la présence en Égypte, j'ai bien précisé que c'était en Égypte particulièrement, d'un débat très fort sur la nature de l'État à fonder. Il suffit en fait de revoir les articles de presse qui sont sortis en fait à l'époque, immédiatement après la Révolution, et vous allez voir qu'on parle effectivement de ce clivage entre État civil et État religieux. Bien évidemment, l'État religieux, ça renvoyait immédiatement à la majorité, c'est-à-dire État islamique. Plusieurs années auparavant, il y avait un livre écrit, en fait, c'est une sorte de dialogue entre le chef du mouvement des frères musulmans de l'époque, Hassan al-Hadribi, M. Hanafi pourrait peut-être me corriger, avec d'autres intellectuels, Farak Fouda et, je crois, Mohamed Salim, quelque chose comme ça, CNM, peut-être Al-Awwa, voilà, tout à fait. Et donc, il y avait un livre qui est sorti qui s'intitulait Masr Bayna Daoula Al-Almaniya wa Daoula Diniya. Voilà. Donc, le débat, il était déjà là, et immédiatement après la révolution, donc, on a utilisé pendant plusieurs mois, que ce soit dans les débats télévisés ou dans la presse, donc il y avait l'usage de ces deux notions. En ce qui concerne le concept de sécularisation, et là aussi je répondrai de manière indirecte à la réflexion demandeur, je vous remercie d'abord de m'avoir rappelé qu'un chercheur qui se respecte doit utiliser le principe de prudence dans ses travaux. Mais bon, personnellement, J'utilise, en fait, quand j'utilise un concept ou bien une notion, je préfère en préciser le contenu avant de l'aborder, et plutôt que de parler vaguement ou bien de suivre des approximations, je préfère maîtriser, si vous voulez, les notions sur lesquelles je travaille. Donc là, j'avais présenté quelque chose sur la sécularisation, ici j'avais présenté des choses sur les temps modernes, ou bien la notion de liberté, ou bien la notion de démocratie, ou bien de droits de l'homme, les droits de l'homme. Est-ce qu'on peut penser toutes ces catégories, donc qui relèvent effectivement de notre modernité, de notre être-là, puisque nous sommes des contemporains, et que nous sommes, le produit de notre époque. Est-ce que on peut faire abstraction de l'accès justement à ces significations, à ces notions, en dehors de cette de la manière dont elles ont été élaborées par les penseurs modernes? Par exemple, le concept de démocratie, moi personnellement, je vois mal comment on pourrait l'aborder sans faire appel, par exemple, aux travaux d'Habermas, qui sont par ailleurs conditionnés par une culture sous-jacente liée au conflit entre la France et l'Allemagne, et donc tout ce qu'il va produire, effectivement, il y a déjà un arrière-fond, un contexte qui va marquer bien évidemment sa recherche. La culture, la notion des droits de l'homme, c'est la même chose. Je veux dire, il y a une culture des droits de l'homme qui émane de la tradition française, donc de la tradition de la Révolution française, puis une autre culture qui vient d'un autre versant, qui est plutôt anglo-saxon. Si on veut réfléchir sur ces notions et les appliquer dans le contexte arabo-musulman, je vois mal justement comment on pourrait faire l'impasse sur la manière dont elles ont été théorisées dans le champ occidental. Que ces théoriciens soient des Allemands, parce que vous avez dit, effectivement, c'est des Allemands, mais je peux vous dire, dans ce cas-là, on va arrêter de faire de la philosophie, parce que la plupart des philosophes du 19e siècle, par exemple, ceux qui ont pensé la modernité, effectivement, c'était Hegel, c'était Nietzsche et Weber. Est-ce que, en s'interrogeant sur la notion de modernité, je devrais ne pas lire ces philosophes, ou bien penser que, parce qu'ils sont protestants... Enfin bon, donc... Je pense que ça serait bien de faire attention à cet aspect. Et je citerai tout simplement un exemple, un contre-exemple pour illustrer un point de méthode, parce que c'est ma manière d'aborder les choses. La philosophie de la religion, la question du bonheur ou bien de la béatitude intellectuelle dont j'avais parlé dans mon exposé, eh bien, c'est une question qui a été théorisée pour la première fois, à mon avis, dans l'histoire intellectuelle de l'humanité par Farabi, au XIe siècle. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas eu de théorisation du lien entre la philosophie et la religion et la politique, donc cette triade, avant Farabi. Et c'est quelque chose qui a été déterminant pour l'histoire de la pensée humaine. Et on va en retrouver les effets au XVIIIe siècle, chez Rousseau, chez Leibniz, chez Locke, etc. etc. Donc, je me demande justement, en abordant cette notion, si, à partir justement de ces philosophes des Lumières, si... on n'est pas obligé, donc en pensant une notion, d'être attentif, si vous voulez, à la culture dans laquelle elle a été produite. Ensuite, pour la question de M. Baylak, justement, toujours à propos de la sécularisation, il y a une sorte de bazar conceptuel à l'époque contemporaine dans le monde arabe. Ce n'est pas seulement le cas de sécularisation. C'est aussi le cas de beaucoup de notions philosophiques, malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation au niveau de la traduction. Ne parlons pas des termes scientifiques et techniques, c'est encore plus catastrophique. Mais en tout cas, dans l'effort de traduire les sciences et les techniques et les philosophies, effectivement, on a tenté de trouver l'équivalent de sécularisation au début du siècle, et on avait choisi le mot « almania ». En fait, on le prononce de manière erronée « almania », en référence à « alm », « science ». Mais en fait, le mot exact, c'est « almania », et le mot provient du terme « alm », qui veut dire « le séculier », par opposition à « habr », qui veut dire « le prêtre ». Et donc, c'est une opposition qui est très vieille dans la langue arabe, et c'est ainsi, en fait, que les penseurs du début du XXe siècle ont essayé de forger une notion, ou bien un concept équivalent du concept de sécularisation. Après, effectivement, il y a laïcité, donc qui vient directement de laïcité, et récemment j'ai vu aussi des traductions qui rejoignent un peu le terme de mondanisation dont j'avais parlé tout à l'heure, qui est Danwana à partir de Dunia. Donc on a forgé un néologisme qui veut dire donc s'intéresser au monde. Finalement, ça rejoint le ça s'intéresser au séculum, donc à la pensée séculière. Alors, ça c'est pour la question de, les deux premières questions. Troisième question, Monsieur Bocco, donc Ricardo, j'avais donc il y avait une question sur la question de la forme, le problème de la forme, disons de l'État ancien, antique ou bien médiéval, qui était l'Empire, qui a permis effectivement la préservation des identités confessionnelles. Je suis absolument d'accord. Hein, c'est, donc on est tout à fait d'accord. Le problème, c'est que en abandonnant cette logique de l'Empire, donc disons une forme particulière de définir le territoire ou bien d'avoir son emprise, sa souveraineté en fait sur un territoire donné, en abandonnant donc cette logique-là et en entrant dans la logique moderne de l'État-nation, comment faire justement pour ces peuples donc d'Orient? Est-ce qu'il faudrait envisager, disons, une logique semblable à celle de l'État-nation, dans laquelle un territoire doit être synonyme à une ethnie, une langue et une confession? Alors, dans ce cas-là, justement, on aurait beaucoup de problèmes parce qu'il y aurait donc une forme de mosaïque de petits États, beaucoup de conflits, et donc une sorte de guerre civile ou bien de guerre religieuse généralisée. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, quand tu dis effectivement que la tolérance a été préservée par la logique ancienne de l'empire, mais il faut savoir aussi que d'autres empires à la même période, par exemple en Europe, n'avaient pas introduit justement, ils avaient exclu ce principe. Donc, et que c'est seulement après les guerres de religion en Europe qu'on a pensé à cette forme à la fois de l'État-nation qui implique une certaine homogénéité territoriale, politique, confessionnelle et linguistique. L'État français est là-dessus vraiment exemplaire. Mais en même temps, on a introduit, grâce à la problématique des droits de l'homme, donc le principe de tolérance. Bon, donc, je pense qu'il faudrait, au niveau des États arabes naissants après les révolutions, donc penser à une configuration qui puisse justement intégrer toutes ces dimensions-là, toutes ces problématiques-là. La dernière question, celle de Benoît, donc à propos de l'individu et de l'individualisme. Je te remercie beaucoup de cette question qui a vraiment qui va me permettre de développer un point que je n'avais pas abordé dans mon exposé. Il y a deux penseurs fondamentaux qui étaient, disons, qui ont fortement influencé la tradition occidentale et plus particulièrement la question donc, de l'individu ou bien l'émergence de l'individualisme. Il y a d'abord le courant averroïste qui a été nourri aussi par plusieurs éléments de la philosophie arabe, enfin d'autres influences, Avicenne, Miskawi, plusieurs auteurs. Et cette influence donc sur la pensée occidentale va s'exercer, disons, pendant 4 siècles, jusqu'au 16e à peu près, jusqu'à la Renaissance. Mais ensuite, au 17e siècle, il va y avoir une autre réception d'un auteur andalou du 12e siècle qui s'appelle Ibn Tufayl, qui a écrit un seul ouvrage, enfin en tout cas on a reçu un seul ouvrage, qui s'appelle le conte du philosophe autodidacte. Ça s'appelle Hayy ibn Yaqdhan, donc en arabe. Et ça a été traduit sous le titre du conte du philosophe autodidacte, et c'est une démonstration de la possibilité donc d'accéder à la perfection suprême, connaissance donc rationnelle du monde, connaissance de la physique, de la biologie, du corps humain, connaissance de Dieu, donc étape ultime, si vous voulez, de cheminement de la connaissance, dans une île déserte où il n'y avait personne. Donc, grâce tout simplement à l'effort de la réflexion et à l'effort de la raison. Et l'observation, bien évidemment. Enfin, donc, à la fois empirisme et rationalisme. Et donc, ce texte, justement, il a été traduit 4 fois. Il a été surtout intéressant pour une génération d'intellectuels en Angleterre, au XVIIe siècle. Il a été traduit 4 fois en un espace très très peu, vraiment très réduit. Et certains spécialistes de la question estiment qu'il a exercé une influence considérable sur le courant de philosophique en fait, qui s'est intéressé à l'individualisme et plus particulièrement sur la pensée de John Locke. Donc, en ce qui concerne l'éducation, l'individu, sans parler bien évidemment d'autres choses intéressantes comme la formulation, disons, du premier cogito par Avicenne. dans un texte qui s'appelle la parabole ou bien l'allégorie de l'homme volant. Donc on a une première formulation en quelque sorte pré-cartésienne, mais qui se rapproche en fait de Descartes, à travers laquelle l'individu peut avoir une conscience de lui-même en tant qu'être pensant d'abord. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui passent en fait dans la culture occidentale et qui témoignent justement de ces influences multiples sur la question de l'individu. Merci. Merci. Merci Makram pour ces réponses très claires. Nous terminons sur Hayy Ibn Yaqdan, donc, qui a inspiré, comme le sait Robinson Crusoe, on le sait très bien, et c'est sur cette débrouillardise qu'on doit se débrouiller maintenant pour aller remplir un autre devoir physique, je dirais. Et je vous invite peut-être maintenant je ne sais pas s'il y a un repas qui sera partagé ou bien c'est on revient vers 2h pour la séance présidée par Ricardo Bourg. Deux heures et demie, ouais, tu as raison, on a dépassé le temps. Ouais. Je suis désolé, le débat était passionnant, on ne pouvait pas faire autrement. Alors voilà, je vous donne rendez-vous à 2h30 si vous permettez. Merci beaucoup.